beaucoup, Sarah. Alors, je vous propose d'ouvrir le débat tout de suite. J'ai, comme tout à l'heure, des questions et des remarques personnelles, mais je donne la parole à la salle pour une série, alors qui peuvent être des demandes ponctuelles, d'éclaircissement, de précision, des questions ou des remarques plus générales. Rebecca Rogers, and I think I'll respond in English because I was so fascinated by your paper about home economics, which I have. I think your point about the way in which home economics has very different meanings, probably nationally in different contexts, and that the ways in which it's deployed towards girls in post-colonial or colonial societies does change a great deal over time, and we tend to flatten it out in our analyses. But I'd sort of like to sort of think about one of the issues that Pascal brought up at the very beginning of this session at 2:30 when we got together about the sort of changing nature of the civilizing mission. And so this is more just hope that both of you will talk about, you know, what does the civilizing mission represent and how does it change? And you, the sorts of things you're mentioning in your conclusion, but awfully quickly, so haven't had time to really digest them, and what this means in specifically in terms of gender roles and women in the countries you study. Lisbeth Hessenink, I'd like to pose a question to Fong. You said education for girls in Vietnam started at the end of the 19th century. Was that part of, like Barbara Rogers said, part of the civilization mission of the colonial government? And was there also any pressure from the Vietnamese people themselves, and which arguments did they use to get education for girls in those years? This is a question for Sarah. You said that the earlier curriculum was remarkably similar for girls and boys in Iraq in the early 20th century, and I just wondered if you could talk a bit more about that and why that was and how that compares to other societies at that time. I'm Diane Payton from Newcastle University in England. Et moi, j'aurais une question ponctuelle pour Fuang. J'aimerais avoir des éclaircissements sur les différences entre les trois territoires qui forment le Vietnam, Cochinchine, Annam et Tonkin, sur ces taux de scolarisation tout à fait, tu as dit, de 0 à 25%, ce qui fait des écarts énormes. Je réponds tout de suite à la question ponctuelle. Je pense que peut-être que j'y suis allée un peu trop rapidement. La différence énorme concernait uniquement l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que donc pourquoi cette différence? C'est ça la question? Je pense que la partie qu'on appelle Cochinchine, c'est-à-dire le Sud-Vietnam, est différente du reste du Vietnam pour des raisons à la fois historiques, pré-coloniale et pour aussi les raisons de politiques et socio-culturelles sous la colonisation. Pré-coloniale, c'est, pour le Vietnam, c'est une terre neuve, c'est une terre qui est acquise au territoire vietnamien depuis peu de temps, depuis le XVIe siècle, alors que le berceau de la culture vietnamienne, qui est le delta du fleuve Rouge, c'était déjà plusieurs centaines d'années, on prétendait même des milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc, moi je pense que ce serait plus raisonnable de dire quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais au moins, quand même, ça fait quand même plus de 1000 ans de différence, à peu près 1000 ans de différence. Donc terre venue dans le territoire national, la partie de la Cochinchine, y compris une partie de l'Annam d'ailleurs. Il y a ça, il y a aussi le caractère cosmopolite de la population locale même avant la colonisation, ce qui explique un pragmatisme plus grand. Les gens sont des défricheurs, c'est un peu comme le Far West américain, toute différence en tenant compte des différences, évidemment. Donc, il y a ça, il y a des différences historiques et socio-culturelles. Il y a aussi un fort développement. Les raisons sous la colonisation, c'est que ça a été colonisé une génération avant, une trentaine d'années avant le reste du pays. Colonisés, pacifiés, etc. etc. Je pense qu'il y a un régionalisme dans la culture du Sud qui explique ce pragmatisme dans l'enseignement professionnel. Pour le Tonkin, c'est moyen-moyen par rapport à l'enseignement professionnel, mais par rapport à l'enseignement proprement dit, c'est-à-dire les lettres, plus académiques, le Tonkin est parti... plus tard, mais se rattrape très rapidement et finalement le centre, depuis que l'université indochinoise a été établie à Hanoï et aussi bien que d'autres organisations de recherche et de culture, le poids de la capitale culturelle de l'Indochine est quand même muté très rapidement sur Hanoï. Donc, au point de vue enseignement général et enseignement académique, pas de différence entre Tonkin et Cochinchine, mais au point de vue enseignement professionnel, la différence reste importante. Tandis que Hue, c'est la cité impériale. Donc, c'est que des femmes, des hommes et des femmes qui sont habitués à ne rien faire de leurs doigts. Le lettré, il a des ongles longs comme ça. Il est fier de pas de rien toucher de ses doigts, etc. Donc, une femme comme Dam Phung était tout à fait exceptionnelle dans le contexte culturel où elle vivait. Et je pense qu'il faudrait encore beaucoup de recherches pour mieux comprendre, mieux expliquer comment cela a pu émerger. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a à Hue la présence de Phan Bo Thiao. C'est la collaboration étroite entre Phan Bo Thiao et Dam Phung pour parler des personnes, mais aussi entre le nationalisme vietnamien brimé par la répression, qui s'est obligatoirement transformé en modernisme modéré, qui explique cette émergence du modernisme dans le centre. J'ai un peu débordé ta question, mais enfin, c'était pour souligner les différences régionales. Merci. OK. So the question of the changing nature of the civilizing mission, how it changes. Did you hear me? OK. The civilizing mission, how does it change? You know, I haven't studied a lot of European colonialism myself because partly because Iraq was never a full European colony. It was just a European, a British mandate for not even very long. You know, I certainly draw on a lot of literature on scholarship on women and colonialism, which is, you know, what I'm trying to engage with at this conference, in this paper, in some of my larger work, you know, asking some of the same questions of this early post-war period. But besides some of the things I mentioned, changes in home economics that were different, like the expansion to peasant women, to nomadic women and girls, educating them, and that involved different kinds of home economics training, the emphasis on psychology. There was also a lot more emphasis on consumerism, on teaching women to be good consumers. And this, you know, was very much advocated by the U.S. and these U.S. home economics specialists around the world. And it corresponds, you know, coincidentally to the expansion of American consumer products all over the world. The Cold War had a huge effect on it for a whole number of reasons. You know, there was sort of competing American and Russian discourses on gender, on femininity. But also the related to the Cold War, the political mobilization of youth in Iraq, and especially girls. I mean, it turned out that all the girls in the secondary schools and colleges were all joining the Iraqi Communist Party, sort of similar maybe to what was happening in some other countries at the time. So in the 1952-1953 campaign, for which this woman, Ava Milam, and the FAO were brought in, was really specifically to try to depoliticize these women. I mean, that was why they're focused on secondary education, whereas earlier they had focused more on primary education. You know, they felt that the school system for girls was having the opposite of its intended effect, which was to produce, you know, domestic housewives and mothers. It was actually producing all these leftist revolutionaries. So, you know, there are a lot of contexts of the post-war period, I think, that make the American civilizing mission very different from the European ones. But I think it's an area that could use a lot more exploration. The question of the early curriculum, the 1920s curriculum in Iraq, and why it was similar for girls and boys, there are a number of reasons, and I need to explore the question more myself. I mean, the easiest explanation is that it was a sort of a historical accident based on the particular Arab nationalists who took over the Ministry of Education from the British like a year or two into the mandate. They got rid of the British and controlled the Ministry of Education. And the British pretty much just abdicated that area and focused on other ministries. The Arab nationalists and the director of education during the whole period was a very famous Arab nationalist philosopher named Sati al-Husri. So a lot of it was him. So, you know, this is a historical accident in a way. That he really believed that in order to achieve the final goal of an Arab nation, right, which is all the Arab countries in one nation, was to give all of the children in the nation the same education. And he applied that to gender as well as to class and to everything else. And this was a huge, major source of conflict between him and his friends and colleagues and the pragmatists who were trained in the U.S. and came in the 1930s and 40s, who thought that education had to be differentiated. You know, that peasants get one education, urban working class children got another education, girls got another education, and the pragmatists won. But this was a major, major controversy, and including, you know, so it's interesting because it's all over the public sphere. It's these major debates over what, you know, whether girls should have a different education, why they should have a different education. So I think, you know, this particularity of Iraq kind of opens windows on this that we don't often see. Certainly in other Arab countries in the Middle East, that was not the case. You know, in Egypt, girls were getting home economics education since the late 19th century, just like they were in the U.S. and some other places, and maybe most other places, but certainly many other places. There may be some broader issues here, but I can't state that for sure. I mean, there's a sense in Iraq, certainly Iraqis believe, this is sort of part of Iraqi nationalism, I don't know how true it is, but Iraqis believe that Iraqis have an exceptional interest in the pursuit of knowledge. This, you know, does date back, you know, for them it dates all the way back to, you know, early civilization. But certainly it is true that in the 1920s, 30s, and 40s in Iraq, the foreign experts who came were shocked at how broad the support was for education, and including for education for girls. And I was sort of interested in Fabio's discussion here about how the Muslims, that's a different post-Ottoman context, were opposed to girls' education. I have a number of theories about why this was different. But in Iraq, it was not the case. It was widely supported. In fact, there were many reports of parents, even before girls' schools were established in rural areas, of parents just sending their girls to boys' schools before the girls' schools were established. So I think there is some truth to sort of a broader cultural interest in girls being educated. But that I can't prove as much as the historical accident thing, which is this particular band of Arab nationalists who controlled the Ministry of Education. Pardon, je peux répondre aux deux questions plus générales. Oui, bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne la mission civilisatrice, je voudrais souligner que jamais les modernistes et nationalistes vietnamiens n'ont parlé de mission civilisatrice. Ça fait partie du langage colonial et colonialiste. Et eux et elles parlent surtout du droit à l'éducation. Du droit à l'instruction, du droit à l'éducation, du droit à une vie meilleure. Même en citant les gouverneurs généraux, les nationalistes vietnamiens citent que Albert Sarraut a voulu une meilleure vie pour les femmes vietnamiennes. Donc une meilleure vie, ce que c'est à eux de définir. Donc il y a cette idée du droit à une meilleure vie, du droit à l'instruction, à l'éducation, du droit à la dignité humaine. Comme c'est dignité, ça doit être égal, aussi bien de la personne humaine masculine que féminine. Et j'insiste sur le fait que la culture vietnamienne traditionnelle se prête, en un certain sens, à cet égalitarisme. Il y a d'une part l'influence de la morale confucéenne qui est très hiérarchisée, très méprisante du féminin, mais plus profondément que cette couche confucéenne, il y a des couches plus profondes de la culture vietnamienne qui se prêtent à cette demande d'égalité. Et il faut compter aussi avec l'influence du modernisme chinois à côté, qui fait que quelqu'un comme Dam Phung, qui lisait le chinois classique et donc qui lit ces modernistes chinois, a cité un moderniste chinois de l'époque pour dire que c'est lui qui a insisté, qui a expliqué, explicité que lutter pour le droit de l'homme, en fait, revient à lutter pour l'égalité de genre. Donc, c'est dans l'idée de modernisme pour justement déconstruire et remettre en question l'ordre traditionnel que les nationalistes ont plutôt raisonné et non pas en fonction de... Donc, je pense que j'ai essayé de montrer, d'explorer l'histoire vietnamienne en prenant les Vietnamiens et les Vietnamiennes comme sujet. Donc, de leur point de vue, le temps de la colonisation était un temps de la modernisation et aussi la nécessité de lutter pour la souveraineté nationale, etc., impose qu'on change, qu'on modifie, qu'on évolue et même qu'on révolutionne les traditions. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que les Vietnamiens et les Vietnamiennes ont posé le problème. Merci. Je voudrais réagir sur ce que tu viens de dire et ce que disait aussi Rebecca en rappelant mes propos liminaires à 14h30. Je me demande si ce concept, cette expression de mission civilisatrice, on n'est pas en train de se laisser enfermer dedans de plus en plus. J'ai l'impression que dans beaucoup de travaux, on l'emploie maintenant. Enfin, c'est une expression qui s'est banalisée. Et finalement, un peu comme le concept de modernité, on ne sait plus du tout ce qu'on met derrière. Donc moi, je serais assez pour proposer d'abandonner l'idée de mission civilisatrice, si ce n'est bon, comme élément de transmission, de compréhension, mais pour un plus grand public. Mais c'est vrai que derrière cette idée de mission civilisatrice, il y a des choses qui sont tellement différentes que je pense que c'est très important. Ce que tu rappelles, c'est un terme que les populations locales même évidemment ont refusé, mais derrière lequel elles ont mis un certain nombre de choses différentes. Et alors du coup, je me demande si modernisme, c'est pas un peu le même risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pas dire à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire modernisme pour les Vietnamiens des années 20, des années 30, parce que c'est comme cette idée de modernité. Est-ce que voilà, la modernité, c'est l'enseignement ménager dans l'Irak des années 50, ou pas? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on met derrière ces concepts un peu fourre-tout? Et là, je pense vraiment aux travaux de Fred Cooper dans son livre Le colonialisme en question, où il revient vraiment sur cette idée de concept fourre-tout derrière lesquels on ne sait plus trop ce qu'on met. Je voudrais juste souligner que j'ai été consciente de parler devant un public non spécialiste sur l'histoire vietnamienne, donc je n'ai pas mis en évidence les termes vietnamiens équivalents. Donc, modernisme, je l'ai utilisé en tant que traduction d'un concept utilisé à l'époque. Modernité et modernisme, c'était des concepts qui étaient utilisés à cette époque. Il y a eu un mouvement qu'on traduit souvent en français par mouvement du renouveau. Donc les mots comme nouveau, renouveau, moderne étaient utilisés en opposition aux traditions précoloniales et dans un objectif de lutte anticolonialiste souvent. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il faut, pour bien comprendre chaque concept précisément comme le demande Pascal à très juste titre, il faut qu'on puisse situer dans le contexte et dire dans quel contexte on utilise ça comme un mot ordinaire, dans quel contexte c'est un mot en majuscule ou pour traduire un mouvement ou un slogan de l'époque. Je voulais aussi ajouter, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi votre question, à vous, la collègue dont je n'ai pas saisi le nom non plus. Si j'ai bien compris, c'est vous voulez savoir quel était le rapport ou l'articulation ou la relation entre, d'une part, la politique coloniale, les structures, mesures mises en place, et d'autre part, la pression des Vietnamiens. Je pense que c'était un jeu continuel entre ces deux forces. Par exemple, pour citer qu'un seul exemple, l'université indochinoise a été créée en 1907 pour devancer le projet moderniste et nationaliste vietnamien de la part des lettrés de créer cette école Dongking. Et d'une part, le gouvernement colonial a réprimé l'école, a fermé l'école. D'autre part, a ouvert une université indochinoise pour dire, ben voilà, nous aussi on s'occupe, on ne forme pas qu'au niveau peu élevé, on forme jusqu'au niveau le plus élevé, mais vous n'êtes pas capable d'y accéder. Donc, au bout de quelques mois, après avoir fermé l'autre école anticolonialiste, ils ont fermé aussi leur université indochinoise. Mais ça a rouvert une dizaine d'années après. Donc, il y a un jeu constant entre ces deux forces. Oui. Est-ce que c'était justement la conscience de la part des Vietnamiens qu'il fallait qu'ils utilisent ces concepts modernes pour justement lutter contre, oui, utiliser les concepts que la colonisation apportait pour lutter contre cette colonisation. Tout à fait. Ouais, d'accord. Merci. Mets ton micro sinon on t'entend pas. D'autres questions? J'ai une petite question sur le but de d'éducation des femmes. Quel genre de femmes on va cultiver dans l'école? Parce que en réalité, il y a des filles ou des femmes trouver l'amour dans l'école. Ensuite, elles abandonné leur études et deviennent les femmes au foyer. Dans les différentes périodes, je pense qu'il y a-t-il des cours spéciaux pour les filles ou les femmes pour cultiver les féminités ou l'esprit des femmes. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la question, mais si j'ai bien compris, la question c'est que dans quelle mesure l'enseignement sous la colonisation cultivait la fémininité de manière traditionnelle, c'est ça? Et dans quelle mesure elle inculque d'autres valeurs? Est-ce que c'est bien la question? Oui, est-ce que c'est l'éducation des filles au mariage, en fait? C'est-à-dire, est-ce que l'éducation... prépare les filles au mariage. Oui, et donc finalement, on n'a pas de valeur d'émancipation au sens où ça les prépare à un métier... Oui, je comprends. C'est ça? Je pense que... C'est ça ou c'est... Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Je pense que la réalité est très, disons, multifacette et c'est très difficile de réduire... à un seul objectif ou à une seule finalité de l'enseignement. Je pense qu'il y a une structure mise en place par les autorités coloniales, encore que les autorités coloniales, c'est un terme très générique pour mettre dedans beaucoup d'ambitions parfois différentes, même de la part des seuls administrateurs coloniaux, il y a quand même des ambitions différentes. Selon les personnalités, selon les points de vue politiques et le contexte de chaque moment. Mais il y a d'une part cette structure mise en place, d'autre part le choix des familles et des individus, ce qu'ils recherchent en envoyant leurs filles à l'école. Et aussi, il y a, l'origine sociale des élèves qui ne sont pas pareils. Ce n'est pas une origine unique. On peut dire que la majorité des élèves proviennent d'une certaine classe sociale ou de certaines classes sociales au pluriel, mais il y a quand même aussi d'autres classes sociales qui ont participé à la scolarisation. Et donc, j'ai pu analyser des parcours très, très différents d'élèves et aussi ensuite de femmes d'un niveau d'instruction élevé, mais qui ont choisi expérimenter l'école de manière différente et qui ensuite ont suivi des parcours très divergents dans leur vie personnelle ou professionnelle. Par contre, il y a cette idée que l'école prépare en quelque sorte au mariage, parce que même j'ai pu recueillir dans les mémoires d'une révolutionnaire communiste par la suite que ses souvenirs, que quand elle était collégienne, elle regardait de l'autre côté de la fenêtre, voyait des bals organisés, hein, des réceptions des familles riches, et elle rêvait à ce futur pour elle et ses camarades de classe. Bon, en fait, dans sa vie réelle, elle n'en a rien fait, mais c'était quand même ce dont elle rêvait quand elle était collégienne. Donc, il y avait ça. Oui, je crois qu'il y a effectivement, par rapport à votre question, il y a qu'est-ce que les autorités scolaires coloniales veulent faire de l'école et qu'est-ce que font les colonisés qui s'approprient la volonté politique coloniale et qui en font après des choses extrêmement différentes. Et c'est vrai que pour le terrain que je connais mieux, l'Afrique de l'Ouest, ou même si on lit les travaux d'Hélène Charton qui a travaillé sur le Kenya, on voit très bien que les trajectoires scolaires en réalité sont extrêmement différenciées du côté des garçons comme des filles, et qu'il y a des stratégies d'opposition, mais il y a aussi des stratégies d'adhésion à un certain nombre de modèles qui sont transmis par l'école coloniale. Et donc je crois qu'il y a eu cette volonté de préparation au mariage, c'est sûr, des filles scolarisées, je pense, dans beaucoup de contextes coloniaux. Et en même temps, c'est un projet qui a été, on va dire, complètement retravaillé par les filles, dans la mesure du possible, leur famille, etc. Et par rapport à ce que tu disais, Franck, sur la pression des populations locales, justement, Hélène Charton montre très bien au Kenya, c'est exactement la même chose. Le gouvernement britannique, en fait, crée des écoles gouvernementales pour contourner tentatives d'écoles indépendantes Kikuyu dès les années 20, parce qu'en fait les communautés villageoises se mettent à organiser des écoles et pour essayer d'encadrer, de contrôler politiquement ces écoles indépendantes, on a effectivement une surenchère politique de la part des autorités britanniques. Les nationalistes profitaient aussi de cette politique éducative coloniale pour créer leurs écoles à leur manière, avec leurs objectifs, mais tout en faisant croire aux autorités coloniales que c'était pour aider le gouvernement qu'on a créé ces écoles. Et aussi bien l'association éducative de Dam Phuong que les écoles révolutionnaires que Phan Kyaw Chin a créées, une quarantaine d'écoles dans toute la Nam, à l'ouverture de ces écoles, étaient toujours invités et présentes les représentants de l'autorité coloniale, jusqu'au jour où l'école est fermée, que l'initiateur envoyé en banne. Mais avant, c'était comme ça. Donc c'était des tactiques de lutte aussi. Peut-être, alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, alors, tu avais une question. Moi, je suis donc Anne Hugon. J'ai une question très ponctuelle pour Fong. Au tout début de votre exposé, vous avez cité Albert Sarrau et la peur, qui est quelque chose que je connais aussi dans mes archives à moi, donc sur le Ghana, en Afrique de l'Ouest, que l'école ne produise des débauchés. Et ça, c'est une thématique tout à fait classique, je crois, dans d'autres territoires. Mais je voudrais juste vous demander, parce que le français a ceci d'imparfait, qu'on n'entend pas le genre des adjectifs comme débauché. Est-ce que débauché était au féminin ou au masculin dans son texte? Voilà, c'est ce que je supposais, mais je voulais... C'était pour justifier voilà, sa c'était décision. Donc, c'était pour justifier sa décision de créer les trois collèges de jeunes filles indigènes, la première à Saigon en 1913 et les deux autres vers 1917. Et au début, donc, c'était les familles qui avaient peur que les filles envoyées à l'école ne deviennent des débauchées. C'est ça. Voilà. Je terminerai peut-être par une piste, juste parce que, voilà, comme c'est un peu les thématiques sur lesquelles je travaille en ce moment, en écoutant la première partie de l'après-midi et ce que vous avez dit aussi à l'instant, il me semble qu'il y aurait des choses intéressantes à faire sur les circulations des lieux, enfin des mots d'ordre, on va dire, de lutte féministe au sens très large, parce que Fabio Giomi évoquait le congrès des féministes de Zagreb où les premières filles éduquées musulmanes de Bosnie sont présentes dès le début des années 20. Dans le Clio Colonisation que j'avais co-coordonné, on avait un article de Elisabeth Thompson qui travaillait sur les mandats de Syrie et du Liban et qui montrait à quel point les congrès internationaux de femmes au Moyen-Orient dans l'entre-deux-guerres avaient été aussi bien sûr souvent initiés par des femmes qui étaient allées à l'école, institutrices et autres. Et vous avez parlé, enfin tu as parlé, Fong, de la circulation entre la Chine et le Vietnam, des lectures. Donc en fait, il me semble que ça serait vraiment dans la perspective très à la mode aujourd'hui, mais qui n'est pas inintéressante parfois, de l'histoire globale, de comment est-ce que finalement les écrits, les mots d'ordre à travers ces femmes-là circulent à l'échelle des empires, empire français, empire britannique, hollandais, belge, etc., et entre les empires britanniques, de différentes métropoles, on va dire. Et je trouve que, enfin, à ma connaissance, je ne connais pas toute la littérature, mais c'est un sujet qui n'a pas été tellement travaillé du point de vue des femmes des pays colonisés. Hein, on a beaucoup travaillé sur les congrès internationaux féministes des occidentaux, mais je crois assez peu sur les femmes colonisées dans ces rencontres. Au moins dans la presse féminine et féministe vietnamienne que j'ai exploitée, il y a beaucoup de traces, non seulement des apports de l'Occident et de la France, mais aussi des apports de l'Inde, de la Chine et même du Siam, c'est-à-dire de la Thaïlande. Donc, ça veut dire qu'il y a des représentantes des organisations féminines vietnamiennes qui sont allées participer dans ces congrès en Inde ou dans certains pays. Et puis, ils reçoivent la presse, ils reçoivent beaucoup les journaux, les revues, tout ça. Ils reprennent les nouvelles de ces journaux, ces revues dans les leurs. Donc, il y a vraiment une circulation d'informations, d'idées, etc. Stéphanie Morondeau, je voulais juste faire une remarque comme quoi l'éducation et la civilisation est un outil finalement stratégique, soit pour coloniser, soit pour résister. Et là, on le voit très, très bien à travers votre exemple. C'est assez impressionnant, vos exemples sont assez impressionnants, de voir la résistance à travers le système éducatif et notamment également des jeunes filles. Je voudrais insister aussi sur l'éducation en dehors de l'école. Parce qu'il y a l'éducation dans l'école et l'éducation en dehors de l'école. Parce que justement, l'écriture romanisée permettait aux gens d'apprendre à lire tout seul. Il y a 26 lettres de l'alphabet à savoir. Après ça, on maîtrise la lecture. Donc, je pense que ça a été un outil très, très fort. Oui. Moi, j'ai une question-remarque aussi. Pardon, Françoise Thébault. Donc une question qui est une question-remarque tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. J'ai l'impression, mais je vous l'envoie comme question, que donc les études genre et colonisation, peut-être plus que dans d'autres domaines de l'historiographie des femmes et du genre, voient ce déplacement très utile et très important, un changement d'échelle, et l'étude des parcours individuels et des biographies, qui permet notamment de nuancer tout ce qui a été dit ou de revoir un peu les concepts dont tu parlais tout à l'heure, Pascal. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Depuis ce matin, on entend beaucoup de parcours de vie, en fait. Je pense que je peux confirmer cette impression dans la mesure où, si on compare même les parcours de vie sous la colonisation et tels que c'était vu et interprété par leurs contemporains, et ce même parcours, mais vu avec du recul, par exemple par les biographes d'aujourd'hui, ça nous permet aussi de nuancer des choses. J'ai évoqué dans mon article que j'ai sauté parce que faute de temps, mais il y a par exemple les deux premières femmes, il y a la première femme vietnamienne qui a été la première à être titulaire d'un doctorat, même y compris par rapport aux hommes vietnamiens. Donc, parmi tous les Vietnamiens et Vietnamiennes qui ont eu accès à l'université française, la première qui a eu accès à un docteur, qui a été titulaire d'un doctorat de physique, c'était une fille. Mais cette Hoàng Thị Nga, en quelle année, dans les années 30, je pense, dans les années 30. Ouais. Et donc, elle est retournée à Hanoï pour travailler, mais elle a obtenu son poste de professeur de physique à l'université indochinoise, la fac de médecine, grâce à un administrateur colonial, directeur des études, M. Talamas, qui a beaucoup lutté pour elle, non pas du tout par féminisme, mais par loyauté, et le sens de l'équité du fonctionnaire colonial. Quoi. Donc, il a lutté pour elle, et c'est grâce à lui qu'elle a obtenu son poste. Une deuxième femme dont il existe une biographie en français très bien travaillée par Claire Chan de l'Université Paris 7, c'est Henriette Buy, qui vit encore à Paris. Donc, elle, c'était la première à avoir, par exemple, suivi des études de médecine à Montpellier. C'est très caractéristique son parcours parce que à 14 ans, elle s'est comparée avec son frère. Elle a dit à son père, pourquoi est-ce que tu envoies mon frère faire ses études en France et pas moi? Et le père a réagi positivement tout de suite. Bah, si c'est comme ça, je t'envoie aussi en France. Donc, elle est envoyée en France très tôt, faire le collège, le lycée et la fac de médecine. Mais une fois diplômée, elle rentre au pays. Immédiatement, son père lui dit, bah, je vais te marier à monsieur machin. C'est un avocat, donc mariage arrangé, très, etc. Mais elle n'avait pas son mot à dire. Elle dit, mais j'ai pas envie, je connais pas ce monsieur, j'ai pas envie. Tout de suite, il a giflé. Et elle s'est soumise. Elle a obéi, elle a épousé. Mais 2 ans après, elle a divorcé pour poursuivre sa carrière de médecin. Donc, une femme comme ça, à l'époque, ces deux femmes-là, à l'époque, elles n'étaient pas nommément évoquées, si vous voulez, mais à l'époque, les modernistes vietnamiens et vietnamiennes, les nationalistes, etc., critiquaient beaucoup ces personnes, surtout ces femmes qui ont une éducation élevée et qui ne faisaient rien pour le pays, qui ne faisaient rien contre les colonialistes, qui étaient, hein, et puis surtout, elles étaient aussi issues de familles bourgeoises, francophiles, etc. Donc, elles étaient critiquées par les contemporains, assez violemment parfois. Mais avec le recul, une femme qui refuse, qui accepte le scandale à l'époque du divorce, pour poursuivre sa carrière de médecin indigène sous-payé, etc., au service des femmes vietnamiennes de l'époque dans la maternité où elle travaillait, c'est quand même une valeur. Et donc, avec le recul, on saisit tout ce que l'éducation et les personnalités ont pu s'affirmer dans ce contexte colonial. Donc, je pense que les parcours individuels, c'est important, mais aussi la manière dont on regarde ces parcours individuels, dont on regarde et réexamine pour se prévenir des préjugés et des voilà. So Rebecca Rogers again, and prompted by Pascal's comments and then what Fong has just said, a question to Sarah. But are there women educators in Iraq who respond to, I mean, is it received, this message that one should differentiate and introduce more home economics, received with opposition on the part of the Iraqi, or is the fact that there had been such gender neutral, in a way, education mean that you don't have feminists focusing on the issues of education? Are they part of a broader international discussion or not? That's a good question about now. Right now, I don't know if they focused on home economics in schools, which is still required of at least secondary school girls for sure in Iraq today. But at the time I'm studying in the 1940s and 50s, there was a lot of opposition. And you can read the Iraqi Ministry of Education's journal, which actually published a wide range of different views. Oh, sorry. Sorry. There was a lot of... In the Iraqi Ministry of Education's journal, there's all kinds of stories from teachers and other educators about conflicts, literally in the classroom between girls and their teachers and administrators about this these expansion of home economics requirements. And as I mentioned, Iraqi female secondary school students and males, but maybe a higher percentage even of female students, were very, very politicized. They were very oppositional to the government. Many of them were in the Communist Party. I've done oral interviews with some of them, obviously quite old now. So yes, at the time there was a lot of opposition around it from the students themselves. And as I mentioned, there was a lot of discussion about it in the Iraqi press with many different opinions. So, Are there figures? I mean, we're talking about these, you know, figures that emerge and this mm-hmm. focus on those sort of biographical trajectories and stuff. Are there individuals or not really? I mean, is it so generalized? Oh no, there definitely are individuals, and I've interviewed some of them. But you know, the ones that I've interviewed were living in exile in London, and you know, they could go back now, but they haven't gone back. So you know, because of the Iraqi communist movement was destroyed by the Ba'ath, and they were all went into exile if they weren't killed. And really, the feminist movement in Iraq in the 1940s and 50s was the women's wing of the Iraqi Communist Party. I mean, it really, there was no other feminist movement except for them, and they were very, very important. But since they've scattered since then, you know, the feminist movement has changed a lot, although it has the same name and traces itself all the way back to that women's wing of the Iraqi Communist Party. But the actual figures are different. So yes and no. There are certainly important figures, you know, in this period, but because of Iraq's history, there are many breaks, too. Does that answer your question, sort of? Peut-être réagir juste par rapport à la remarque de Françoise. Je pense qu'à la fois, c'est effectivement très intéressant de retracer ces parcours singuliers et qu'en même temps, enfin, en tout cas, il me semble qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent de ne pas refaire une histoire des pionnières les unes après les autres et des femmes qui ont émergé et des grandes figures comme ça a pu être fait dans l'histoire des femmes à un moment pour rendre un certain nombre de parcours visibles, parce que je pense qu'il y a aussi, ce que vous disiez, il y a une remise en perspective par rapport à des femmes qui n'ont pas émergé et qui en même temps ont des parcours assez comparables mais qui n'étaient pas forcément qui n'ont pas eu la notoriété, ce que disait Fong, la même notoriété dans leur société. Et je pense aux institutrices d'Afrique occidentale, où effectivement, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur Germaine Le Goff, et maintenant, je commence à en avoir un petit peu marre, mais parce que je me suis rendu compte aussi que cette figure qui est effectivement très connue en a oblitéré d'autres qui ont fait à peu près la même chose au même moment, avec des parcours, des convictions, des écrits, mais qui, pour des raisons qui sont liées à la transmission, tout simplement, et puis à leur capacité à mettre en avant leur parcours aussi, capacité très personnelle, finalement sont passées à la trappe de l'histoire, alors qu'elles sont, je pense, à une Madame Maubert qui n'est pas du tout connue et qui a été directrice d'école également au Sénégal dans les mêmes années et qui manifestement a été une personnalité assez extraordinaire parce que c'était une femme qui était inaugurée tout début du XXe siècle, je crois. Enfin, voilà, donc il me semble qu'à la fois l'approche biographique est très enrichissante et très importante et qu'en même temps, on a besoin de multiplier à la limite et de faire un peu disparaître ces grandes figures pour écrire une histoire qui soit plus from below, comme on dit. Merci à toutes et tous. Donc, je voudrais juste peut-être profiter du fait qu'il nous reste 2 ou 3 minutes pour faire un commentaire, une remarque qui ouvrirait sûrement des tas de discussions et nous n'en aurons pas le temps maintenant. Mais à l'issue de cette première journée, ce qui me frappe, ce n'est pas une découverte, mais c'est plutôt une confirmation. C'est qu'il me semble que l'un des intérêts, ça n'est pas le seul, mais d'étudier l'histoire des femmes dans une perspective de genre en contexte colonial, c'est à quel point ça nous pousse à admettre la grande complexité des systèmes coloniaux, des situations coloniales. Alors non seulement complexité au sens de diversité, ça c'est quelque chose que nous savons tous déjà depuis très longtemps, diversité des contextes locaux, y compris dans une colonie, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc diversité des situations coloniales parce que diversité des contextes locaux, diversité des systèmes coloniaux qui leur sont appliqués par différentes métropoles, etc. Mais aussi, je crois, et ça c'est peut-être plus intéressant et plus nouveau, l'idée que les systèmes coloniaux sont, en dépit de leurs points communs, et notamment du caractère coercitif, voire violent, de la colonisation, des systèmes complexes traversés de contradictions et de paradoxes. Et je crois qu'une des choses que nous voyons là, c'est aussi comment les systèmes coloniaux, lorsqu'on les aborde par la question de l'histoire des femmes et du genre, montrent de façon très frappante cela. Il me semble que l'un des apports du panel de cet après-midi, c'était aussi ça, de montrer comment, par exemple, un programme colonial un agenda colonial et en fait souvent subverti, voire précédé, enfin bon, toutes ces choses-là, si on utilise depuis quelques années les termes de négociation, de bricolage, etc., c'est que je crois qu'on est sorti, peut-être provisoirement, mais c'est la tendance de l'historiographie, me semble-t-il, en ce moment, des grands schémas explicatifs. On est beaucoup plus sensible au contexte et aussi aux contradictions, aux paradoxes qui se trouvent dans chacune des situations coloniales que nous étudions. Et je crois vraiment que l'histoire des femmes et du genre est un des moyens de faire ressortir ça. Voilà. Merci.